débat. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bienvenue pour le... Bienvenue, vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc, il y a Apolline au standard, il y a Manu aussi au standard qui vous attend, il y a Fildar à la Réa, et toujours Rigaud sur le www.fr. Ouais. J'espère qu'on va être... Bah, ça monte encore, on est 9424. 9424. Ouais, cool. 9428 maintenant. Ouais, ben, c'est pas grave. Ça monte. Donc, par contre, celui qui s'amuse à harceler chez moi est prié d'arrêter parce que j'ai besoin de ma ligne téléphonique. Merci. D'avance. Merci d'avance. Alors, je préviens, celui qui s'amuse à appeler comme ça, arrête. Alors, en de bon entendeur, salut pour celui-là. Donc, vous êtes toujours... à l'écoute, donc 101.9, et vous pouvez toujours appeler. Le mini-ten ne fonctionne plus, donc c'est... Si, mais il fonctionne, on est 14 connectés, mais il faudrait que je réussisse à avoir le truc, quoi. Donc, Gérard, sinon, c'est bizarre, parce qu'il y a un ancien animateur de FG sur Internet, il te demande si tu te souviens de l'époque où il te caressait dans les studios d'FG. Non, pas du tout. Donc, le thème du deuxième débat portera sur les radios, et pour ça, on va accueillir Jean-Maurice, 22 ans, de Paris. On peut écouter Fun Radio sur 101.9. Bonsoir à toi Jean-Maurice. Oui, bonsoir, qui va là, je te prie, bonsoir. Cara, qui avait 19 ans, Toulouse, 105. Ouais, c'est Cara Coé, ouais. Salut à tous, ce soir c'est Fun, yeah. Donc Toulouse, 101.9. Et 101.9, yeah. Samzel, 25 ans de Bordeaux, Bordeaux 96 FM. Exactement. Bonsoir à toi. Salut Gérard, c'est Samzel. Diboul, 20 ans de Thoiry, c'est la présence. C'est la fréquence sur Paris, donc c'est 101.9, donc 89.2, comme tu as été confirmé. Bonsoir Gérard, bonsoir le délinquant, vive le rap. Ok, ben si tu commences à dire des conneries comme ça, on va pas être copains longtemps, d'accord? Pas de problème. Alors, doit-on payer un abonnement pour être auditeur? Eh ben tiens, ben, justement, on va te demander à toi. Moi, je suis pas auditeur, moi, j'écoute pas la radio. Ben, c'est les disques que je mets chez moi. Dans ce cas-là, pourquoi qu'on t'a sélectionné? Parce que justement, il faut un objectif par rapport à ceux qui n'écoutent pas la radio. Non, mais je te demande, est-ce qu'il faut payer un abonnement pour être auditeur? Je pense, oui, qu'il faut payer la redevance comme pour la télé. Ah bon, tu dois payer une redevance sur la radio? T'as vu jouer ça dans Spirou Magazine? Non, pas du tout, non, il faut déclarer ta radio comme ta télé. Il faut c'est ça. Je crois que tu te trompes un petit peu. Dans le cul. Sanzel. Je me mets aussi les doigts dans le cul. Tu te tais, Diboul, s'il te plaît, merci. Oui, s'il te plaît, Diboul, laisse parler Sanzel, c'est mieux. Sanzel. Ouais, je pense que c'est tout à fait normal qu'on doit payer pour écouter des gens comme nous, quoi. Mmh. Ouais, je pense que c'est voire même des gens comme toi, je pense que c'est inconcevable de ne pas payer, quoi. Non, mais est-ce qu'il faut payer un abonnement? Bah, à l'heure actuelle, non, mais ce serait bien si ça pouvait venir. Ok. D'accord. T'en payes un, toi, Gérard, d'abonnement? Non, pas du tout. Et pourquoi? Ben, tu payes pas d'abonnement pour la radio. Hein. Bah, pourquoi tu poses la question? Alors, je pose la question parce que c'est Gérard. C'est l'ami Fildar qui m'a donné ça. Moi, je payais Fun pour avoir le droit de venir parce que sinon, il voulait pas. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Tu payes. Et toi, tu payes quoi pour venir? Rien. Rien. Rien, bon, alors tu te tais. Caracoué. Caracoué, yes. Ben écoute, tu viens de répondre, alors je vois pas ce que je pourrais dire. Ben, tu viens de donner la réponse à la question, alors ben, je vais dire la même chose que toi. Hein. Non, on ne paye pas d'abonnement. Non, mais c'est pas la peine de prendre les questions que je donne, d'accord? Bah, tu poses une question, je réponds à ta question. Ouais, non, mais faut pas prendre les réponses que je viens de donner, d'accord? Ouais. Autre chose, écoute, alors à mon avis, ouais, on paye l'abonnement. Voilà. Voilà, comme moi. Voilà, faut dire ça. Jean-Maurice. Oui, alors c'est Jean-Maurice. Bon, déjà, moi, je vais te dire que j'aime pas les abonnements. Alors, j'aime pas les abonnements du tout. Donc, déjà que je paye pas ma redevance télé, il est pas question que je paye une redevance radio. Moi, je suis un peu comme mon pote Arthur, je suis un pirate de la radio. Non, okay. Gérard, tu viens demain, je t'invite au Queen. Donc, Gérard, oui, sur IRC, c'est là que ça se passe. Il y a Snooze qui te demande, pour commencer le débat, même s'il a commencé, qui a inventé la première radio? Justement, c'est une question qu'on allait poser. Et c'est une de mes questions, tu vois, elles sont pas toutes connes. Bravo, la première, elle est un peu con. Enfin, c'est pas grave, ça va la faire, ça passera. Ouais, Manu, tu voulais poser une question? Je voulais savoir s'il allait faire beau demain. Non, bah ça. Il va flotter, j'ai vu la météo. Tu mets la télé, puis tu verras s'il y a la météo. Pas de problème. Donc, doit-on payer un abonnement pour être auditeur? Pour être auditeur, donc à mon avis, non, je pense pas. Il n'y a pas besoin de payer pour être auditeur. C'est simplement ça. Vous prenez votre téléphone et vous composez le 0803 0803 0805 000, et comme et ça vous êtes sélectionné. Tu dépenses de l'argent au téléphone et c'est attends, Gérard, faut bien expliquer parce que là il y a Jupiler sur l'IRC, il me demande la radio c'est quand on va chez un radiologue à l'hôpital. Ouais. Non mais justement, mais ça qu'ils arrêtent de poser les questions avant que je les pose. Parce que ça sert à rien. Sinon, c'est pas la peine que je fasse un débat sur les radios. Mmh. Hein? Ouais, mais toi, tu parles de quelle radio? Ouais. De toutes les radios. Pas de marre. Les radios du poumon, des os, lesquelles? Les radios FM. Ah. Bien compris, on se débouche les oreilles. Les radios goût aussi? D'accord. J'en connais tout à l'heure qui vont gerber. Donc, préférez-vous écouter la radio seule ou en bande? Avant, je vais poser. Il y a un sondage. Donc, pour ou contre les radios, il y a 40% l'écoute en boucle en faisant l'amour. Ça, c'est vrai qu'on peut écouter la radio en faisant l'amour, ça, c'est vrai. 30% ont leur radio sur leur cheminée. Tu peux l'avoir partout. 26% aimeraient en parler, donc c'est ce qu'on fait. Et 10% te saluent, toi. Alors là, je vois pas... Mais si, c'est une émission. C'est l'émission d'une radio. Ouais, il y avait salut les copains, il y avait salut toi. Ouais. Bon, okay. Donc, deuxième question. Préférez-vous écouter donc la question. Oh ! Salut toi. Ça va? Salut. Salut toi. Alors, tout va bien? Ça va toi? Salut. Apolline. Tu me fais bien tricoter. T'essayes de me les calmer toi, là. Ok. Faudrait peut-être pas qu'ils s'amusent à jacter entre eux là maintenant parce que ça commence à bien faire. Oui, un petit peu toi. Manu. Bon, ouais, tu m'éteins ton micro, s'il te plaît. Salut. Alors, la question, s'il vous plaît. Jean-Marie, tu fermes ta... Jean-Maurice. Tu mets ta langue. Oui, non, moi je suis là. Tu me reconnais, Gérard, j'ai une grosse voix, donc c'est pas moi. Hein. Alors, vous allez commencer par vous calmer. Mets-le dans ta bouche. Hey, s'il vous plaît, les auditeurs. S'il vous plaît. Je voudrais... Oh, tu fermes ta gueule, toi, Diboule. Allez, hop, au revoir pour Diboule. Oh non. Au revoir, Diboule. Petite cassure de notre radio. Au revoir, voilà. Diboule. Donc, allez, terminé Diboule. Pour elle. Voilà, donc, deuxième question. Préférez-vous écouter la radio seule ou en bande? On demande à Jean-Maurice. Gérard, avant, j'aimerais bien que tu précises quelle bande, si c'est FM, grandes ondes ou petites ondes. Non, mais en bande, ça veut dire entre copains. Entre potes. Entre potes ou seul, tu peux voir, ou même, c'est vrai, il y a plusieurs fréquences. Ok. Je vois à peu près. Pildar, s'il te plaît. Quoi? Le dar. Quoi? Lance pas de casque, qu'est-ce que tu fais? Et t'arrêtes de balancer de la musique quand je parle, d'accord? C'est pas moi, c'est les auditeurs. Tu vas te casser d'ici vite fait, toi. Alors, Jean-Maurice. Oui. On accueille Blondeau qui appelle de Nantes et qui a 25 ans. Ah, salut, sur la radio. Salut, radio, bonsoir à tous. Là, ils sont plus, attention, j'ai repris de tête. Hein. Du pur truc, du pur ronce. Oh ah, salut. T'as quel âge? Ah, j'ai 25 ans, j'habite à Nantes. La fréquence 105.3. FM en guerre, attention, du pur tube. Hein. Alors, préparez-vous écouter la radio seule ou en bande, on va s'adresser à toi. Ouais, bah moi je préfère l'écouter à plusieurs, hein, ça c'est clair. Dans les couloirs à la radio avec mon pote Marco, ça c'est clair. Et c'est fun pour le tube, ouais. Ok. C'est groove. Samzel. Ouais, bah écoute, seul et en bande. J'aime bien les deux. On peut faire les deux en même temps. Je crois qu'on peut faire les deux en même temps, ouais. Caracoé. Ouais, bah moi j'adore écouter la radio avec plein de potes autour d'un feu de camp. Et puis on bouffe et après on termine la soirée, je dirais pas comment. Tu nu. Voilà. Prochaine. Tout en écoutant Fun. Dans celle-là, j'en ai une bonne. Jean-Maurice. Ouais, bah écoute, moi je pense que c'est plutôt un plaisir solitaire. Hein. Il y a deux plaisirs solitaires dans la vie, c'est la pignolette et la radio, donc ça se fait pas en bande. Ouais, surtout d'accord. Quand on écoute Gérard, quoi. Voilà, sinon c'est des partout radiophoniques et ça c'est pas bon, ça mélange toutes les fréquences et ça c'est le bordel. Ah, c'est clair, surtout quand on est au beau. Hein. Tout à fait. Blondeau, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Ok. Alors donc, seul ou en bande, ça veut dire entre potes, et c'est vrai que entre sur à la fin d'un feu de camp, c'est sympa. Même c'est sympa, surtout quand on est plusieurs. Et tu préfères écouter seul ou à plusieurs? Non, moi je préfère l'écouter tranquillement dans mon lit, bien au chaud. Quand tu fais l'amour. Voilà. Gérard, ouais. Sur IRC, enfin, faudrait que tu fasses la confirmation que FG, ça veut pas dire fréquence Gérard. Ouais. Comme quoi, ça veut bien dire fréquence gay. Pareil. C'est pareil. C'est un synonyme. C'est la même. Un pseudo. Bon, enfin, pas qu'on reconnaît ce qu'il a dit. Fréquence. Cette fréquence-là, c'est de la merde. Alors donc, je préfère même pas en parler. Non, moi, je préfère écouter le Star System du matin au soir. Avec Max, de toute manière, avec aujourd'hui un reportage de John Dave et de C. Jérôme, nos deux acolytes, qui sont partis rechercher à New York un reportage de John Dave et de C. Jérôme. Qui s'amuse là? Ouais, quoi? Et oui, Max, ici à Chicago, on est allé voir Félix the House Cat pour un reportage. Bon, alors tu mets ça parce que je commence à en avoir ras la télé, Manu. Et puis, là, faut calmer un peu les auditeurs. Mais on est calme, Gérard, c'est toi qui es excité. Oui, il est toujours excité. Et si vous pourriez aussi couper la radio quand vous passez à l'antenne, ce serait sympa. Apolline, ouais. Apolline, s'il te plaît. Apolline, tu peux leur dire de couper la radio. Ouais, mais rapide, parce que sinon, ils vont gerber ceux qui ont la radio derrière. Alors, à partir de quel âge peut-on faire de la radio? On va demander à Jean-Maurice. Peut-on écouter la radio, j'ai dit. Peut-on écouter ou peut-on faire? Non, peut-on écouter. À partir de quel âge peut-on écouter la radio? Peut-on faire de la radio? Non, j'ai dit. Mais non, on avait non, mais moi j'ai modifié. Non, mais c'est pourri. La radio. C'est moi qui commande, ok? Oui, qui va là, je te prie. Hors ta gueule, toi. Salut Maurice. Oui, bonsoir. Ouais, j'adore ton émission. Ah oui, je te remercie. Bon, Ce qui, tu s'amuses à parler? J'aime pas les gens qui aiment mon émission. Voilà, Blondeau, tu dégages. Blondeau, au revoir. Au revoir, bon Blondeau. Salut, Blondeau. Bon, alors, à quel âge peut-on commencer à écouter la radio? Donc, moi, je pense, Jean-Maurice, qu'on peut écouter la radio à tout âge. Je pense que, quand même, comme d'habitude, les personnes âgées sont particulièrement concernées, parce qu'elles ont quand même pas grand-chose à foutre de la journée, tu vas pas dire le contraire, ouais. À part se pisser, se chier dessus, comme d'hab. Donc. Et bah, je pense que les personnes âgées devraient écouter des émissions comme... Mais dans les pensionnats et dans les maisons de retraite, au lieu de se faire chier la nuit, il ferait mieux d'écouter les vioques, la radio. Okay. Gérard, à la place de Blondeau, on accueille Hypernana, 25 ans de Toulouse. Salut, bonsoir Gérard. Salut Hypernana. Ça c'est du nick. Salut. Ça, c'est hyper. Bonsoir à tous. Hyper bon. Ta fréquence, s'il te plaît. 108.2. Gérard, sur IRC, il y a Kleenex qui te demande si on avale une radio, est-ce qu'on chie du Gérard? Non. Non, pas du tout. Fildar. Hypernana. Bon, ouais. Au standard, vous allez me calmer celui qui met de la radio. Non. Oh, ta gueule, toi, tu vas se peignant. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Quoi? Ta gueule. Bon, vous commencez à me faire chier. Alors, tu... Allez, hop. Encore. Non, mais on va se calmer. Bon, les auditeurs, ceux qui sont à l'antenne avec nous, ne mettez plus la radio derrière. Parce qu'après, Gérard, il s'entend plus. Puis on est déjà à la radio. Donc voilà, en plus, on est déjà à la radio, donc ça sert à rien. Ouais. Donc, vous pouvez écouter Gérard et ses questions. Ouais, puis toi, tu t'amuses pas de mettre de la musique. Non, mais sinon, moi, j'ai pas de musique. Tu vas te prendre un casque dans ta gueule. Toi, tu fermes ta gueule, espèce de PD. Bon, tu me le vires complètement, celui-là. Au revoir. Manu va gérer. Gérard. Caracoué. Non, sur IRC, juste, il y a Alan Clark qui dit la radio est à la télé, ce que Gérard est à la radio. Si on veut, ouais. Non, c'est bien, ça. Ouais. C'est beau, quand même. Mmh. C'est pas mal. Caracoué. Oui. Alors, moi je pensais qu'en fait on pouvait écouter la radio à partir du moment où on pouvait entendre. En fait, on peut écouter la radio jusqu'à ce qu'on devienne sourd. Tu peux préciser quand même? Bah, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. C'était... Donc on peut plus entendre la radio. Bon, ouais, je pense pas qu'on peut devenir fou à force d'écouter sourd, la radio. Sourd. Non. Samzel, fais gaffe à ce que tu dis, Jean-Maurice, parce que tu as dégagé tout à l'heure. Ce n'est pas moi, tu reconnais pas, moi j'ai une grosse voix, attends. Non, c'est moi qui ai une grosse voix, c'est Samzel. Justement, ça. Une très belle voix. Oui, mais attendez, je peux pas répondre, les amis, laissez quand même parler Samzel. Vas-y, Samzel. Bon, écoute, moi je pense qu'on peut écouter la radio à tout âge. Et surtout, quand on est petit, comme ça, on comprend pas ce qu'il dit. Ah bon, on comprend pas ce qu'on dit? Ouais, c'est mieux. Ah d'accord, je pense que. Tu ferais mieux de rester chez toi, Écoutez, je suis chez moi. Ouais, à la maison, Samzel. Attends, il est venu, d'énergie jusqu'à Fun, il va pas rebouger maintenant. On est sorti du placard et je suis là maintenant. C'est clair, mais il était dans la cave maintenant. Hyper nana. Oui, mais je pense que pareil à tout âge. Wonder Woman. Même quand t'es dans le ventre de ta mère, tu peux écouter la radio. Voilà. Ouais, on est chaud. Gérard, à propos de radio, il y a Davy One, il aimerait bien que tu te calmes un peu parce qu'il y a sa mère qui vient de rentrer dans sa chambre et elle a dit c'est qui ce gros con qui passe à la radio. Eh ben, essaye de faire des efforts. Alors, Davy One, moi j'en ai rien à foutre. Madame Davy One, c'est pas bien, Madame Davy One. Bon, tu t'écrases, toi, ça vaudra mieux. Ok. Davy One. Oh oui, c'est Suzy One. Bon, alors on va se mettre un disque. Non, mais c'est Manu, regarde, il met la télé. Mais non, mais Gérard, c'est toi qui m'as dit pour écouter la météo. J'attends. Écoute la météo, le mec. La météo. Bah ouais, il va pleuvoir, demain. Manu. Il va pleuvoir. Je vais aller faire du roller, c'est pour ça. 4 le matin et 10 l'après-midi, il va pleuvoir, je te le dis, je l'ai vu tout à l'heure. Pourri. Alors donc, pour ça, la question c'était peut-on vivre dans un studio de radio? On va demander ça à Jean-Marie. Il n'y a pas de Jean-Marie, c'est Jean-Maurice. Jean-Maurice, pardon. Oui, bah écoute, moi, tout ce qui est squatteur et compagnie, j'aime pas trop, parce que quand je travaille dans mon studio, j'aime bien avoir la paix. Mmh. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu primitif, si t'arrives à saisir l'essence de ce mot, de squatter dans un studio de radio, parce que c'est pas fait pour ça. Pour ça, il y a des chambres. Je veux dire, tu pisses aux chiottes, tu te laves à la salle de bain si tu te laves et tu manges dans ta cuisine ou dans ton salon, tu vois. Donc, bah, dans le studio de radio, tu fais de la radio, quoi. Donc, tu vis pas dans ton studio de radio, quoi. D'accord. Gérard, j'ai une question sur le Minitel pour moi, ma petite amie qui me demande si tu rentres plus tôt, ce serait bien, comme ça on pourra se caresser. Oh, ton message personnel, tu te le carres au cul. On en a rien à foutre, ok? Au standard, moi ça m'intéressait. Hein. Vous éteignez votre micro au standard et vous me faites pas chier, d'accord? Manu, tu dégages! Tu me montreras le dessin que t'es en train de faire après? Ah, mortel! Bon, alors Manu, dessine-moi, tu vas dessiner dehors, s'il te plaît. Je gère. Hein? Koé. Oui, ben moi je pense qu'on pourrait pas vivre toute sa vie dans un studio, parce que vivre dans un studio de radio, ça voudrait dire pas sortir du studio, on pourrait plus voir les nuages et tout ça, on finirait par attraper la scarlatine. De manière, il y a une question, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que là où qu'on est à l'heure actuelle, rue Bayard, c'est que dans les studios, c'est vrai qu'on voit pas grand chose à part des arbres, mais quand on était à Neuilly, c'était vraiment pire. Hein. Ouais. Samzel. Bah écoute, moi je pense qu'on peut vivre dans un studio, en plus c'est intéressant, on peut écouter la radio toute la journée. Hein? Non, t'es pas d'accord? Ouais, si je vois, mais même de toute manière, ceux qui ont l'habitude de faire de la radio, donc c'est vrai qu'on peut vivre. Vivre dans un studio, c'est dur parce que. Pourquoi? On n'a pas de chambre, hein. On n'a pas de chambre. Il y a une douche, donc c'est bon, on peut dormir sur un canapé. Bah, tu dors par terre, sur la moquette. Hyper nana pour continuer. Mais Gérard, pour revenir là-dessus. Excuse-moi, hyper nana. Je sais plus qui c'est sur l'IRC qui me disait qu'on peut très bien vivre, pas forcément dans un studio de radio, mais à la maison de la radio. Oui, ouais, mais c'est pareil. C'est pareil que de vivre. Que dans certaines. Non, mais c'est vrai, c'est pas une connerie. C'est que dans certaines radios, il y a carrément des chambres, des cuisines, il y a une cuisine pour tout le monde. C'est vrai, il y a bien une douche ici. Ah, mais il n'y a pas de douche. Ah, si, il y a une douche ici. Je suis désolé. Mais dans certaines radios plus importantes, il y a carrément des chambres, des cuisines où tu peux aller te faire bouffer, tout ça. Celui qui met de la musique, arrête, parce que ça commence à me gonfler. Alors, hyper nana. Oui, alors moi je mets un point d'honneur à séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. Donc je pourrais pas habiter dans le studio où je travaille, c'est pas possible. Non, mais de toute manière, je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Elle dit ça alors qu'elle suce les mecs du taf. Ensemble. Jean-Maurice. Non, mais je la connais, on a travaillé ensemble à une époque. C'est pour ça, Gérard, que je me permets. C'est pour ça que je me permets. Ça va, au fait? Oui, ça va toujours bien. Bon, alors, Hyper Nana et Jean-Maurice, au revoir. Vous gérerez ça. Mais non, au revoir. Non, mais on arrête, là. Au revoir. Gérard, j'ai une question sur Minitel de Sébastien, qui se trouve être mon cousin, et qui me demande si ce week-end, je rentre à la maison. Ça, on n'en a rien à foutre de tes messages personnels. Sébastien, je ne sais pas encore, ça dépendra. Alors, message perso, c'est terminé. Tu t'arrêtes avec ça, parce que... ça commence à bien faire. D'autres questions sur l'IRC, non? Ah bah tu sais, on est 9722, donc il y en a énormément. Mmh. Ok, eh ben, c'est dommage qu'on puisse pas avoir plus de précision. Ah bah si, je peux t'en sortir. Je savais pas que tu voulais une question. Tu vas nous Il y a Carfois qui te demande si l'ancien nom de Radio GG c'était Jean-Yves dans mes fesses. Non. Il y a Esti qui dit Gérard, je t'ai repiqué tes poèmes et je suis devenu une star en Belgique à la radio. Ça faudrait vérifier parce que c'est dégueulasse. Comme ceux qui s'amusent. Je te coupe 5 minutes, Rigo. Comme ceux qui s'amusent à faire des piratages sur mes remix, c'est pareil. Il faudrait peut-être qu'ils arrêtent parce que ça commence à devenir lourd. Bah, on en a assez parlé hier. Et il y a Snooze qui, en fait, c'est son chien qui te demande s'il y a des chiens animateurs de radio parce que son chien, c'est son rêve de animateur. Non, il n'y a pas de chien animateur de radio. Pourtant, moi, je le connais. Gérard, à la place de Jean-Maurice, on accueille Marc Scoliose. Oui, bonsoir, c'est Marc Scoliose. Et à la place de Blondeau, on accueille Bob le Taré. Ouais, c'est du Gérard, c'est du Fuldard, c'est du Ladonki. C'est bizarre parce que Blondeau, il y a longtemps qu'il était viré. Je viens de virer Hyper Nana. Ah ouais, non, à la place d'Hyper Nana. Ah oui, pardon, c'est parce que c'était dans la même colonne. Non, mais faudrait peut-être pas me prendre pour un con. Bon, salut, c'est Bob le Taré, il est déjà 2h, je suis réveillé. Bob le Taré. Coucher. Je crois que tu vas commencer par te calmer un peu. Très bien, hein. Gérard, je suis calme. Sinon. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit sondage que je vais faire. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus difficile en radio? Alors, 42% des gens disent que c'est de la sodomie. Ça, c'est bien les conneries à Fuldard, donc je ne les lirai pas, c'est tes conneries. Alors, tes conneries comme ça, je n'en veux pas. Ok. Alors ton sondage, je le terminerai pas. Non mais continue-le, c'est pas parce qu'il a mis. Non, mais ce qu'il faut comprendre dans ce. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es un con quand tu sors des sondages, ok? T'es aussi con qu'un moche à balai. Alors vous fermez vos gueules derrière. Il y a dans certaines radios où ils pratiquent la sodomie. C'est pas parce que Sandy l'a dit que tu vas reprendre ce qu'a dit, d'accord? Alors maintenant tu promets de t'occuper de ton boulot, ok? Parce que Sandy en a ras-le-bol. Y'a pas qu'elle qui se font enculer. Alors ta gueule, toi. Non mais Gérard, continue, vas-y. Donc 23% des gens disent que ça doit être difficile d'en parler sans dents. Enfin, je... C'est bon, ça. Mais non, c'est pas moi. Mais c'est pas moi, gars. Une grille de mots croisés. Ouais. Maintenant, si vous rallumez vos micros, je vous balafre. On a rien fait. Je vous balafre. Gérard, reste à ta place, putain, c'est pas vrai. Et tu l'as pas baladé. Tu dégages. Mais non. Tu dégages. Donc la question. Non, mais la suite du sondage, Gérard. Non, il y a plus de. Il y aura pas de suite de sondage, c'est tout. Des radios. Est-ce que. Oh, le double son. Un petit message militaire. Ta gueule. Direct. D'accord. Direct. Tekken 4. Alors au standard. Au standard, vous me gérez les gens là. Parce que ça commence à bien faire aussi. Je laisse gérer Pauline. Ta gueule. Tu dois aussi les calmer parce que là, c'est calme. Pourrait-on continuer le Ça commence à bien faire vos conneries. Hein. Il n'y a pas beaucoup de professionnalisme là. Hein. Non, c'est un bon débat. Existe-t-il des radios dans les pays ou autres? On va demander ça à Marc, je sais pas quoi. Excuse-moi Gérard, qu'est-ce que t'entends par où autre? C'est toi qui as posé qui m'as demandé de poser cette question. Bah oui, mais explique aux auditeurs. Non, mais on va demander. Non, je répète plus la question. Non, Marc Scoliose, je vais répondre. Manu, tu me gères ça parce que ça commence à bien faire. Gérard, c'est Marc. Ouais. C'est son pote Marc Scoliose. Donc je voudrais répondre, je vais tout expliquer à mon pote Fildard. Merci. Les pays ou autres, ça veut dire pays, continent, île. Péninsule, presqu'île. Ou planète, voire univers, mais ça c'est plus compliqué. Donc les radios existent, oui. Tu dis oui. Oui, c'est tout, oui, bien sûr qu'elles existent dans. Bon, car Corée. Oui, écoute, ouais, je pense qu'il y a. Non, je. Il y a des radios. Merde. Sarah Corée, t'es en playback. Hein? Tu viens demain, je t'invite au Queen. J'ai dit quoi? Tata GG. Je sens que ça va se terminer pour Fuldard. Ça le sent bien. Il va y avoir de l'enculage de mouche direct. Je sens que Fuldard, tu as dégagé de l'aréa vite fait, toi. J'ai rien fait. Non, mais tu vas voir, t'as rien fait si c'est toi qui t'amuses à mettre des conneries. Allez, ok moi. C'est pas les auditeurs. Non. C'est non, toi. Vois, c'est pas nous. C'est toi, ok. T'es en train de me saloper mes débats toutes les semaines. Alors t'es vraiment un enculé. C'est tout ce que j'ai à te dire. Hein ? Toutes les semaines, tu me fais de la merde. On continue le débat ou pas ? Hein ? Samzaël. Oui, bah écoute-moi, oui, bien sûr, il y a des radios dans toutes les planètes, dans tous les continents. Et depuis le développement d'Internet, en plus, on peut avoir toutes les radios maintenant. Donc, je crois que c'est pas un problème. D'accord. Bob le taré. Bah écoute. Allô ? Bob le taré. Allô ? Oui ? Oh, tu t'en. Bon, Bob Gérard, le taré. Hey, Gérard, je suis là, Gérard, j'étais en rentaine, c'est pour ça. Eh hey Bob, j'ai le mix parfait là. Ah, très bien. Bon, ouais, alors, Marc et Bob le taré, vous dégagez, au revoir. Le mix parfait. Allez, hop, terminé. Terminé pour eux. Allez. Alors, Gérard, pour calmer un peu, on va poser quelques questions IRC qui te sont adressées. Est-ce que les animateurs de radio. Alors, attends, parce que ça défile tellement vite. Est-ce que les animateurs de radio Touch Buzzy peuvent prendre ta place? Non, facile. Toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Non, après? Et, oh là là, attends, on va trouver ça. Alors, ouais, c'est des petits gâteaux apéritifs, Rigo. Pas celle-là. Non, mais c'est pas grave, tu prends. Non, mais j'en cherche une. Pas de pseudo. Bah ouais, c'est ça, je suis en train de chercher des trucs. Sans pseudo? Pas de. Ouais. C'est pas évident. Ouais. À la place de Marc Scolioz, on accueille Victouze. Bonjour. Non, mais attention. Alors là, je vais te dire une chose. Que là, ça commence à bien faire parce que vous l'avez. Ça fait trois fois que vous me reprenez les mêmes sur d'autres pseudos. C'est une fille, Gérard. On va voir. Bonsoir, Gérard. C'est comment ton nom ? Victouze. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir, Victouze. Ça va ? Bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où ? J'appelle de Nantes. La fréquence ? 104.3. Ok. Donc, la question, c'est existe-t-il des radios dans les pays ou autres, donc, pour toi ? Je pense qu'il existe des radios dans tous les pays, mais il n'existe pas Fun Radio dans tous les pays. Ou autres. C'est vrai. Non, mais attends, parce que là, tu veux dire Fun Radio, c'est-à-dire dans quel pays ? Arrondissement ? Dans quel pays que il y a pas Fun Radio et tu en peux France. Non mais précise. Bon Pilar, dire... s'il te plaît, tu fermes ta gueule. Allô, Apolline, merde. Ah non. Bon, Gérard à la place de. T'as coupé l'auditrice, Apolline. Allô. Ah non, elle est là, c'est bon. Mais ouais. Bon, à la place de je sais plus qui, on a qui. Bob le taré. De Bob le taré, ouais, on accueille le glaude de la voyance. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je fais des phénomènes paranormaux. Apolline ! Apolline ! Phénomènes de paranormaux. C'est les mêmes ! Mais non, c'est pas c'est les mêmes. C'est le même, il change de bas. C'est le même, tu le vires. Tu le vires. Je vous appelle. Tu le vires. Et tu me prends une autre personne. Et pas sous les mêmes noms. Ok ? Alors, Victouze. Oui, Victouze. Donc, toi. Pardon ? Donc, donc tu dis qu'on peut pas écouter Fun Radio dans tous les pays, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Fun Radio n'est pas diffusé dans tous les pays. Alors, précise lesquels ? Je vais plutôt te préciser les pays où il y a Fun Radio, ce sera moins long. Ouais. Non, dans ceux qui sont pas diffusés, parce que ça m'étonnerait. Ah, alors il y a le Brésil. Fun Brésil, il y a Fun Brésil. Ouais. Fun Brésil. Attends, c'est vrai, il y a un truc que j'ai oublié de préciser. Mmh. C'est Pildar tout à l'heure quand il m'a appelé, j'ai demandé la capitale du Brésil, il m'a dit que c'était Brasilia. Bah exactement. Bien non, sûr. Alors que sérieux ? Pas du tout, c'est Brasilia. Bah non, mais arrêtez vos conneries, apprenez votre géographie. Bah, apprends ta géographie, c'est Brasilia. Ouais, bah c'est ça m'étonnerait, hein, parce que je connais mieux. Brasilia. C'est ça, la capitale du Brésil, sérieux. C'est Brasilia. Et Sandy, c'est pas le problème. Et une fois, la capitale du Brésil, j'ai demandé à Sandy, Sandy m'a dit que c'était Maradona. Enfin bref, on arrête là-dessus. Caracoé. La radio, on peut pas l'écouter partout, parce qu'au Groenland, par exemple, moi, j'ai pas réussi à entendre la radio. Non mais c'est vrai que faut qu'il y ait des émetteurs qui soient un peu diffusés partout parce que c'est vrai qu'il y a certains pays qu'on a du mal à les avoir. Mmh. Oui. On a retrouvé un nouvel auditeur à la plage de c'est plus qui Glaude le voyant là machin. Il s'appelle Alvinas. Oui bonsoir Gérard. Bonsoir. C'est Alvinas. Oui, t'appelles d'où? J'appelle de Toulouse et on écoute sur 97.8. Salut Elvinas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, ça y est, bonsoir, bonsoir, c'est terminé. Bah, on peut être poli quand même. Ouais, ben, attention, parce que si je reconnais la voix, va gerber tout de suite. Je crois qu'on avait bien précisé la semaine dernière au standard. Moi, je suis nommé, là, Gérard. Attention, Rigaud, oui. Ouais, ouais. Merci. Ouais, Rigaud. Merci pour le blanc, c'est pas grave. Ah ouais, excuse-moi, je faisais pas attention. Alors attends, oh la vache, c'est assez compliqué parce qu'il me parle de plein de trucs en même temps. Attends, je vais prendre celle-là, vite fait. Attends, non, bon, au hasard. Ouais. Est-ce que le conducteur de Diana était affolé dès qu'il a entendu Gérard et qu'il a dérapé dans le mur? Oh non, oh non. Bon, alors, Samzel. Oui. Non, t'avais pas posé de question, puis en plus, la dernière, j'ai répondu. T'as pas répondu encore? Ah si, pour les pays diffusés, bien sûr que si, j'ai répondu. Ouais. C'est ce que j'ai répondu, hein. Alors, Avinas. Ça me fait rien, non. Ça ne me fait pas discret. Mais je te préviens, hein. Je peux pas me laisser faire comme ça, car j'en ai marre. Arrêtez les auditeurs, Gérard, t'as beau pleurer, c'est trop tard. Attends, elle a répondu ce qu'elle a voulu là. Ça y est, il s'est barré. Hein. Il est parti. Hein. Mais il va revenir, il va revenir. Il revient toujours. Son micro là, je parle dans le micro. Il revient toujours, il revient dans toujours. Dans le micro de Gérard, sinon. Non. C'était bien la shame. Ah ouais. Il y a pas mal de messages Minitel en plus qui demandent à Gérard de revenir. Ah donc... oui, Gérard. Reviens. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Reviens, Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. J'arrête. Pas pareil. Tu vires. J'ai rien fait. Tu vires. C'est une fausse manœuvre. Bon bah faites comme moi, regardez Arte, un reportage sur les Stones, c'est très bien. Tu vires, non, mais j'arrête. Non, tu vires. Personne peut me remplacer. Non, tu vires, je vais mettre Manu à ta place, ça vaudra mieux. Impossible. Non, ben, tu vas faire ce que je te dis, c'est tout. Non, mais j'arrête, Gérard, on y va. Non. Et 2h20, il reste une demi-heure, allez. Avinas. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'amuse à balancer un CD comme ça au hasard. Non, pas. Ce n'est pas moi. Alors, Avinas. Par contre, je voudrais dire à Max qu'à la fin du reportage sur les Stones, il y a un mec qui s'est poignardé par un Hells Angels. Hein. Bon, Avinas. Non, mais c'est vrai. Hein. Avinas, tu réponds à la question, tu gerbes. D'accord. Alors, moi, je pense qu'il faut voir les radios dans un phénomène de mondialisation. Je pense que tu peux pas dire le contraire. Et ça, c'est encore une fois la faute du gouvernement. Et voilà, on a ce qu'on a mérité. C'est tout. Je te demande, existe-t-il des radios dans les pays ou autres? Ben, c'est bien pour ça que je. Alors, je vois pas ce que tu me parles de gouvernement. C'est bien pour ça qu'on parle de la mondialisation et de la parité homme-femme. C'est pour ça, Gérard. N'importe. Non, mais t'es vraiment con. Je vais te dire, cher ami. Ouais, ben, je crois que t'as pas compris la question, ça vaudra mieux. Non, mais je répète plus la question, de venir, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a quand même un mec qui s'est poignardé parce qu'il sort un feu. Bon, Avinas, sors, quoi. Allez, hop, terminé. Gérard, sur IRC, ils aimeraient que tu répètes ta dernière question parce qu'ils l'ont pas entendu avec les histoires qui viennent de se passer. Alors, pour les gens de l'IRC, existe-t-il des radios dans les pays ou autres? Voilà. Ou autres. Donc, Albinas, c'est terminé pour toi, je ne veux plus t'entendre. Bah, à ce propos, il y a Belge Boris, il dit qu'en Belgique, les radios belges sont interdites parce qu'il n'y a pas d'animateur. Et justement, il voulait savoir si on peut en créer une avec juste un micro et un lecteur CD. En Belgique, c'est vrai. Il y a des problèmes au niveau d'un. Non, mais en Belgique, ils nous écoutent avec un décalage d'une journée, je crois. C'est... Non, une semaine. Non, une journée. À moi. Non, c'est une semaine et une journée. Ouais, puisque bon, c'est pour ça, Gérard. En Belgique, j'y ai été, et c'est vrai que là-bas, ils ont des problèmes pour nous écouter. Ils nous écoutent avec des décalages. Une semaine, parce que depuis tout à l'heure, les auditeurs belges. Salut. Oui, je te préviens. Attends. Ouais, c'est sympa, Gérard. Ouais, franchement, sympa. Je suis en train, Gérard. Rigo, il parle et tu coupes. Je suis en train de te parler. Vas-y, Rigo. En fait, j'ai des auditeurs belges sur IRC, et depuis tout à l'heure, ils me parlent des 35 heures. Et non, mais ça. En ce moment, ils entendent le débat des 35 heures en Belgique. Non, mais c'est vrai qu'il y a un décalage par rapport en Belgique par rapport à nous. C'est vrai qu'ils ont du mal à nous écouter. C'est un auditeur que je connais, qu'on avait fait des soirées à Namur. Lui, il m'a bien précisé qu'il écoutait plein de radio avec un décalage d'une journée. Donc, c'est pas par moi. Donc, prochaine question. Alors. qui a inventé la radio et à quelle époque et où? Donc, je répète pour revenir, Gérard, pour revenir aux autres pays, il y a Seigneur qui me dit que la radio en Suède, elle est cryptée. Et il faut un décodeur, tu vois, comme Canal+. Non, non, mais je pense pas. Faudrait que je voie avec si avec un technicien. Non, faudrait savoir si si on a toujours les cartes ou qu'il y a toutes les fréquences avec tous les pays. Pas ici, on les a laissés à Neuilly. D'accord. Donc, qui a inventé la radio, à quelle époque et où? Et on va demander ça à Dick. Victouze ou Victouze, je sais plus. Victouze. Ouais, Victouze. Alors donc toi? Je pense que c'est. Je sais pas, je crois que c'est Monsieur Becquerel. Et c'était dans les années 1920. Mmh. À la naissance du télégramme. Non, ben, je pense que le télégramme, il a pas été un. Il a, je pense que le télégramme, il a été inventé bien avant. Hein. Oui, mais en fait, c'est avec les progrès du télégramme, ils ont réussi à faire des ondes radio et ils ont inventé la radio. Mmh. D'accord. Oui. Sur IRC, il y a Yankee, il dit qu'il ne sait pas qui c'est qui a inventé la radio, mais il est sûr que tu es en train de la mener à sa perte. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne suis pas en train de la mener à sa perte, parce que sinon, je ne serais pas là tous les jeudis à faire péter l'audimat. Et on est combien, s'il te plaît? Alors, l'IRC, ce n'est pas l'audimat, Gérard, je voulais que tu le saches. Ouais. Et on est 9985. Bravo. 9985. Voilà. Et je dis à Sego que oui, c'est en modérette. Ouais, ben, je pense que j'espère qu'on va peut-être atteindre les 10 000 aujourd'hui. Oh ouais, putain, on se le fait, les mecs, allez. Ouais, toi, on dit pas putain, d'accord. Et je répète une dernière fois, celui qui emmerde Sandy est prié de lui lâcher la grappe. Celui qui emmerde Sandy. Et toi, tu fermes ta gueule. Pour l'instant, je t'ai pas appelé pot de chambre. Quand je t'appellerai pot de chambre, tu sortiras de sous le lit. Gérard. Donc, celui qui emmerde Sandy Gérard, au téléphone est prié de raccrocher. Ils me demandent tous la taille de la grappe de Sandy. Eh ben, quand on pourra l'avoir au téléphone, ça me fera bien plaisir parce qu'elle veut participer à ce débat-là. Et malheureusement, à cause de petits cons, on pourra pas la faire participer. Et peut-être qu'elle joue avec son combiné, Gérard. Non, non, non. Sandy, si tu m'écoutes, donc t'essayes de raccrocher. Tu raccroches celui qui t'emmerde parce qu'on essaye de joindre depuis le début des débats. Donc, je t'en prie, raccroche. Tu réponds plus, tu raccroches et c'est tout. Et on essaye de te joindre. Donc, Kara Koué. Ça fait tellement longtemps qu'on a posé la question. Qui a inventé la radio? Voilà, c'est ça. Et à quel endroit et où? Alors, à et quel endroit il me semble que c'était aux États-Unis, dans la guerre, non, non, non, dans la révolution non, industrielle. Non, non, non, non, non. Non, non, t'as tout faux, là. Ah bon? Ah, ben, je sais pas. Ah. Bon, on accueille Ginny. Gérard, 30 ans de Paris. Salut Gérard. Salut Ginny. Bonsoir. À la place de qui? Bonsoir, Denis. À la place de... Alvinas. Voilà. Voilà. Alvinas. Donc 101.9. J'ai pas répondu à la question, c'est Samuel. Ouais, ben pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ah, mais du coup, tu m'avais oublié, chouchou. Non, je suis pas ton chouchou, alors arrête parce que tout à l'heure, tu vas dégager aussi, toi. D'accord. D'accord. Donc, Cara Koué. Ouais, ben moi, on me dit que c'est pas ça, alors je sais pas. Si, c'est ça, Michel. Bon, d'accord. Kara Koué, bonne nuit, au revoir pour toi, c'est terminé, comme ça tu me prendras pas pour un con. Hop, hein, terminé, au revoir, au revoir, au revoir. Samzel. Bah, moi je pense que, mais à tout hasard, je sais pas, Jean-Marc Morandini, 1849. Alors là, je peux pas te dire. Hein. Non, c'est pas Jean-Marc Morandini? Non, je pense pas. Bah, bon, je croyais, je sais pas. Ok. Ginny. Tu peux répéter, Gérard, s'il te plaît? Je crois que on l'a assez répété cette question, donc tu réponds. Mais Gérard, est-ce que tu sais la réponse, toi, quand même? Arrête de nous tenir en haleine. Samzel, tu t'écrases, s'il te plaît. Non, mais je voulais juste savoir si tu avais la réponse. Tu t'écrases. Je n'ai pas de réponse à donner à ça, donc c'est à vous d'essayer de, avec votre tête de binette. Tu peux chercher dans le dico. Ouais, bah tu cherches dans le dico, tu vas voir qui c'est qui a inventé la radio, d'accord? Ok. Alors, Ginny. Qui c'est qui a inventé la radio, en quelle année? Voilà. Et où? À quelle époque et où? Ou autre? N'importe quoi, tu t'en fous. Je crois que c'est un dieu grec. Voilà. Ouais. Dans les années 1800. Mm-hmm. Mais alors, je sais plus son nom. Hein. D'accord. Oui. À la place de Kara Koué, on accueille Miguel Debois. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Miguel de Bois. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, bonsoir à tous. T'appelles d'où ? J'appelle de Bordeaux sur 108.7. C'est bien parce que j'ai déjà un auditeur de Bordeaux et Bordeaux c'est 96, c'est pas 108.7, d'accord ? J'appelle de Clermont-Ferrand. Toi tout à l'heure tu as appelé. Je veux pas dire d'où tu as arrêté de me dire des conneries d'où t'appelles. Tu donnes ta fréquence correctement et tu fermes ta gueule. Viens t'expliquer pourquoi. Et je suis une star, je suis Miguel de Bois, je veux pas qu'on me reconnaisse. Bon alors j'ai travaillé à Fun, Gérard, souviens-toi de moi, Miguel. Ouais, ben, réponds. Ça va, GG, on est parti à New York ensemble. Réponds à la question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que effectivement, il faut voir le problème dans ce sens-là. Je pense que c'est pas la peine du tout de tourner autour. Surtout quand on connaît pas la question. Ouais, mais c'est en quelle année Donc, je pense que ça devait se situer, merci, vers le début du siècle, je dirais, à peu près. À peu près au moment de la révolution industrielle, quoi. Et tu crois que c'était qui ? Je sais pas. J'ai entendu parler des mecs genre, je sais pas, Thomas Edison, tout ça, mais bon, c'est vieux, quoi. J'ai pas de papier, je peux pas vérifier, je peux pas te dire. Ouais, puis ils sont morts maintenant. On doit pas m'avancer, voilà, on va pas aller ouvrir des cercueils, c'est pas Yves Montand, donc bon, voilà, quoi. Ok. Miguel Debois, tu as hâte de dire des conneries parce que ça commence à bien faire. Tu viens de New York, GG ? Tu commences à te calmer, d'accord. Alors, question suivante. Existe-t-il des écoles pour être radiologue ? Et on va demander ça à... Allô ? Victouze. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Putain, mais ça répond pas, j'en ai marre. Allô ? Victouze ! Toutouze ! Allô ? Quelqu'un ? C'est quoi ce... Allô ? Allô ? Il y en a marre. Allô ? Gérard ? Gérard. Allô. Allô. Allô. Mais il est parti le blaireau là. Allô. Je pense qu'il est parti non. Ça c'est incroyable. Il fait chier les gens. Ils nous écoutent même pas. Ah bah Victouze. Allô. Allô. Victouze une fois. Victouze deux fois. Oh. Allô. Il est là Victouze. Okay. Il est là Victouze. Vous êtes là. Vous nous entendez. Allô. Oui. Vous m'entendez. Ça va Fildar. Ouais. Ça va. Ça va. Il est où le déchet. Il est là Gérard. Allô. Bon, je sens que ça va être terminé. Non, allô. Non, vous l'entendez là. On entend le débris là, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon, on entend, c'est bon. On entend le débris. Victouze. Oui, Gérard. Pour toi, la question. Je sais plus ce que c'était ta question. Je suis désolé, Gérard. Alors, existe-t-il des radios pour être existe-t-il des écoles pour être radiologue ? Il y a comme ouais. C'est comme les écoles de DJ, sauf que t'es pas DJ, t'es radiologue. D'accord. Oui. Non, j'écoute. T'apprends à mixer différemment sur les boutons. Ouais. Et à parler dans le micro. D'accord. Miguel Debois. Ouais, bah écoute, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'avant de faire des écoles d'animateurs radio ou des écoles de DJ, tout ça, faut déjà faire l'école. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une émeute. Non, c'est Gérard qui tape Manu, c'est pas grave. Arrête de taper Manu. Ouais, tu t'écrases toi la poupiasse. Il t'a rien fait Manu. Tu t'écrases la poupiasse. Allez, on prend le débat, allez. Bon Gérard, pour calmer le débat, il y a Belge Boris, il explique qu'en fait pour être radiologue, faut suivre un stage chez Jean de Debert. Non, chez Jean de Nevers. De Nevers, pardon. J'aime pas trop qu'on me coupe pour dire ce genre de conneries. Rigole. Alors, si t'es pas content, tu vois, Miguel de Bois, moi je te dis au revoir. Non, salut. Salut. Non, c'est terminé. Voilà, ça nous aide. Oui, alors donc, faut-il faire une école de radio? Est-ce bien indispensable? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être se calquer sur ton expérience. As-tu fait une école de radio, Gérard, pour en arriver au niveau où tu es? Non, j'ai pas fait. Je te coupe 5 minutes. Je n'ai pas fait d'école pour être où que je suis à l'heure actuelle comme assistant d'antenne de Max. Oui, tu as le feeling un peu. Tu le sens bien. Non, mais ce qu'il y a, c'est que. C'est bon, toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Espèce de trablo. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, Gérard. Tu as pris sur le tas. Attends, ça me gêne. À la place de Miguel de Bois, on accueille Tabata Crash. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Tabata. Oui. Salut, ouais. Tabata. Salut. Bon, encore un trablot. Non, je crois pas, non. Ouais, mon cul. T'appelles d'où? Je vais vérifier. T'appelles d'où? J'habite à Lyon. La fréquence? La fréquence, 94.5. Ouais, bah dis donc, tu ferais mieux de passer le dimanche soir, ou au moins on aurait des chaudes sur l'antenne. Qui c'est que j'avais... Samzal, ouais. Ouais, donc je te demandais si t'avais un peu appris sur le tas, quoi. Bah disons, non, j'ai pas appris sur le tas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai appelé d'une cabine, et puis après, avec Max, on a sympathisé, puis c'est tout. Et maintenant, là où j'en suis, c'est grâce à lui, et... Je peux pas. Il peut pas dire le contraire. Il est là dans les studios. C'est grâce à lui si maintenant je suis assistant d'antenne et que je viens tous les jeudis faire des débats et le dimanche avec Sandy on fait des conseils. Voilà. D'ailleurs, on n'a plus de canal. Si tu pourrais régler l'antenne. Ouais, s'il te plaît. Toi, Phil, attends, Rigo, 5 minutes. Toi, Phil Dard, tu fermes ta gueule une bonne fois pour toutes. Mm. D'accord. Okay. Rigo. Oui, il y a Zizi tout dur, il te demande si t'as sucé ou si tu t'es fait enculer pour faire de la radio. Non, je rentre pas dans un bureau le cul en arrière. Je m'appelle pas Manu. Il me précise que donc tu rentres avec la bouche en avant. Non plus. J'irai pas jusque là. Alors Tabata. Oui, eh bien écoute, je pense, bah moi par exemple, moi j'ai d'abord fait du porno, hein, tu vois. Oh bah ça, on le sait que tu fais du porno. Et rien qu'à t'entendre parler, ça se voit, c'est clair. Ça se voit, ouais, c'est gentil, ouais. Et enfin, en tout cas, et ben voilà, j'ai fait du porno et ensuite ça m'a servi à rentrer dans la radio, quoi. Ah ouais. Disons que j'ai joué plutôt de mes relations. Mmh. T'es rentré le cul en arrière pour te faire défoncer par le patron. Par exemple, oui. Ginny. Ouais, moi je pense qu'il faut vaut mieux faire une école, quoi. Mais tu peux faire des stages, genre à la foire du trône. Mmh. Mais bon, c'est vrai que tu sais, l'école, ça peut te donner des conseils au niveau technique, quoi, ce qui manque un peu des fois à l'émission. Non, mais je pense qu'il y a pas besoin d'école pour faire de la radio. Hein. Parce que non, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein. Non, mais de toute manière, il n'y a pas besoin d'école, parce que bon, hein, c'est un truc qu'il faut essayer. Ouais, bon, moi, je vois que ça fait depuis 95 que je tourne, que je suis avec Max, et puis maintenant, si j'arrive le jeudi à faire des débats, à part qu'il y a deux cons qui foirent tout, mais sinon, c'est pas... Est-ce que toi, tu le considères comme un animateur? Ben disons, le jeudi c'est moi qui commande, la semaine c'est Max. S'il décide d'arrêter comme il a fait hier, c'est hier soir à minuit et demi, parce qu'il n'y avait pas de sujet valable, donc c'est son problème. Hein. Moi, si je vois qu'un jour les débats se passent mal, tu as déjà fait, je fais comme j'ai fait une fois à Neuilly, je me casse et puis terminé. Hein, et Gérard, sur IRC, il y a Moulinex et Radzinski qui invitent Apolline au carnaval de Tournai le 12 et le 13 mars. Sympa. Donc tu peux. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Gérard, Gérard, j'ai un message Minitel de. Non, non, mais alors ça, j'en ai rien à foutre. Ok. Alors est-ce que les ouais, je voulais savoir en fait si je venais aussi ce week-end. On n'arrive toujours pas à la joindre. Non, bah c'est pas grave pour elle. Tu peux pas, Dimitri. Bon, toi, tu vas te faire foutre avec tes messages personnels parce que j'en ai un ras-le-bol. Fildar, c'est la dernière fois que je te dis d'arrêter de me faire chier, d'accord? Donc, est-ce que les femmes ou animaux sont acceptés dans une radio? Donc, en parlant d'animaux, il y a un Casimir et puis un espèce de crapaud. Voilà. Donc, on va demander à Victouze. Est-ce que les femmes et les animaux sont acceptés dans les studios? Sont acceptés dans une radio? Mais c'est misogyne ta question. Complètement, mais. Non, mais je suis un peu d'accord avec Gérard quand même sur le fond de la question. Quand même pas, quand même. Mais quand même, si. C'est bon, Victouze. Qui viennent dans une radio. Bon, Samzel. Ouais. Tabata. Bon, écoute, je suis complètement choquée par ta question. Là, c'est mettre les femmes sur le plan des animaux. Dans ton cas, ma chère Tabata. Oui, bon, écoute, bon, évidemment, moi, je suis un petit peu particulière dans le style, mais bon, on peut pas mettre toutes les femmes sur le même plan, écoute, déjà. Et pas les animaux non plus, hein. Non, mais de toute manière, il y a... Les hommes sont à mettre sur le plan des animaux, ça, oui. Mais, pas les femmes. Non, mais il y a des femmes qui sont animatrices de radio sur différentes radios, oui. Oui, Je voulais te dire qu'à la place de Victouze, on accueille le phoque. Mmh, oui, bonsoir. Bonsoir le phoque. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir, ce n'est pas ça, là. Salut le phoque, t'appelles d'où? Oui, bonsoir, j'appelle de Paris, 101.9, bonsoir. Ok. Donc, pour toi, la question... Bah écoute, je pense que les animaux, ce n'est pas sale. Mmh. Donc, à part pour des raisons de salubrité, je ne vois pas pourquoi on les interdirait dans les radios. Est-ce qu'ils sont utiles, Gérard, dans les radios, les animaux ou pas? En te regardant, je crois que si c'est pour faire des conneries, oui, ils sont utiles. Hein. En tout cas, Gérard, sur IRC, à Yankee, il dit qu'on accepte bien les animaux. La preuve, fun, un singe parlant le jeudi soir. Ah ouais, mais ça, le singe parlant, c'est qui? Yankee. Pour Yankee, le singe, il te dit merde. Voilà. Samzel. Bah écoute, non, je pense pas que c'est indispensable d'avoir des femmes ou des animaux. Ouais, mais précise quand même le fond de ta pensée. Tu habites au Queen. Précise de ta pensée. Je sais pas, ma pensée, non. J'ai pas envie de préciser. D'accord. Non, mais très clairement, parce que bon, il y a... Je sais pas... Tu vois, quelle femme pourrait-on mettre à ta place, déjà, tu vois, très clairement. De toute manière, à ma place, ça m'étonnerait qu'on mettrait une femme, à part Sandy à ma place, mais... Mais même Sandy n'arriverait pas à tenir les rênes face aux hordes d'auditeurs déchaînés. Je vais te dire une chose, que Sandy, elle arrive très bien à se démerder, très bien, à se démerder très bien le dimanche pour faire ouais. ses conseils. La preuve, la semaine dernière, non, il y a 15 jours, on a eu un petit problème, je suis parti, et elle a très bien continué les conseils sans moi. Oui, mais là, ce soir... Alors, Ginny, non, ça y est, c'est terminé, on... Question suivante, allez. Ginny. Oui, bah, je pense que les femmes sont peut-être acceptées, mais les animaux, je vois pas où tu vas en venir. Hein. Ben non, mais c'est justement, c'est moi qui ai trouvé cette question-là avec Sandy. Bon, on a compris. C'est avec des petits crabes. Donc toi, tais-toi, espèce de casimir de mes deux, là. Alors, pensez-vous que l'on peut avoir plusieurs contrats sur une radio? On va demander à... Le Foc. Le Foc. Quand je l'ai vu l'autre fois, il avait le slip tout jaune. Oh là là. Le Foc. Oh. C'est le Foc. Le Foc. Oui, c'est le Foc, tu m'entends? C'était une horreur. Oh là là là là. Tu m'entends, mon GG, c'est le Foc. Je t'écoute. Oui, donc je voulais dire, avoir plusieurs contrats sur plusieurs radios, c'est pas sale. Mmh. Non, mais je te demande... Je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs qui jouent ce petit jeu. Ouais, tu peux. À passer sur plusieurs radios en même temps. Mmh. Et je voudrais pas entrer dans une quelconque polémique, parce que sinon tu vas encore t'énerver, parce que tu vas dire qu'on fait référence à des trucs. Ouais. Donc je vais citer personne, sans parler de Europe 1, de Europe 2 ou de RTL ou rien du tout. Voilà. Bah, de toute manière, là, à l'heure actuelle, on se trouve dans les studios d'RTL, d'RTL et d'RTL 2. Si, c'est justement, c'est pour bien préciser que si je suis un débat sur les radios, c'est pour bien préciser que toutes les autres radios essayent maintenant de copier sur Pone Radio pour faire de la libre antenne ou des RTL 2, Europe 2, tout ça. Tabata pour continuer. Ouais, bah alors, à mon avis, oui, il y a des gens qui ont plusieurs contrats. Et moi, j'aimerais demander à Axel Duro s'il a une petite place pour moi, qui m'accepte dans son bureau. Petite heure. Attends, il y a déjà du monde qui attend, ma chérie. Hein. Ah oui, mais bon. C'est gentil. Hein. Ouais, oui, tout à fait, parce que moi, je suis... Hein, voilà, donc... Bon, Samzel. Ouais, bah écoute, moi, j'ai un contrat sur Fun, déjà. Hein. Mmh. C'est largement suffisant. D'accord. Ginny. Ouais, je pense que tu peux avoir pire contrat, mais bon, après, c'est à toi de peser les conséquences, quoi. Mmh. Okay. Ouais. Bah, tu passerais, toi, puisque tu dis que RTL et RTL 2, c'est la même maison. Toi, tu passerais sur RTL ou sur RTL 2 ou pas? Non, pas du tout, parce que je suis bien sur Fun Radio, donc je vois pas pourquoi que j'irais. Et même s'il te proposait plus? Non, mais même. Je reste. Ouais, mais c'est... Non, c'est peut-être la même maison, mais c'est pas la même direction. Je veux dire, t'aurais le même badge et t'irais toujours dans la même cafette, donc ça changera pas grand-chose. Le même café. De toute manière, moi, je viens que le jeudi, donc j'ai pas eu l'occasion de manger à la cafette. Attends, Rigo. Attends, 5 minutes, le pote. Une question IRC avant. Ils aimeraient bien entendre la fin de la question du Vioc. Ouais, ben voilà, si Philippe Bouvard il t'invite pour, je sais pas moi, remplacer Amanda Lear aux grosses têtes. Non, tu vois, je crois pas. Hein. Parce que je m'appelle pas, je suis pas Trablo pour faire ça. Carlos. Non plus. Ok, bon, ça y est, oui. Je voulais juste te dire que Samzel était parti se coucher et qu'à la place on accueillait Bruno 12. Alors, Bruno, bonsoir. Ouais, salut Gérard, je m'appelle Guy. Tu t'appelles Bruno. Je t'ai vu. Ouais, tu m'as vu où? Je te veux. Ouais, bah alors tu vas te coucher, au revoir. Ah, il devait aller. T'es vu. Allez hop. Je te veux. C'était une fille, Bruno. Non. Allez hop. C'est une fille, Bruno Doux. Non, c'est un trablo. Non, c'est Gérard. Tu me la dégages. Putain, Gérard. Vous écoutez RTL 2. Gérard, je suis pas un garçon. Hein. Bon, conclusion du débat. On arrête. Non, vas-y, on fait une question, Gérard. Non, c'est la fin, c'est la conclusion. Mais non, regarde, il en reste des questions. Non, c'est intéressant en plus. Mais moi, je veux pas le savoir. Il reste un quart d'heure. Gérard, tu finis ton débat, putain. Oh, et je t'emmerde, toi. Attisez pas le feu, les filles. Ok. Quoi? attention, parce que tout à l'heure, ça va gerber vite fait, là, au standard. Est-ce que je peux répondre à ta question? La dernière question, comment peut-on définir les fréquences de radio terminées? Ça sera la dernière. Non. Alors, allez-y, répondez. Hein. Le Foc. Alors, les fréquences de radio, c'est très simple. Ça marche un petit peu comme la CB. Je sais que t'es calé. Il y a un nombre de canaux définis. À ce moment-là, tu prends le nombre total. Tu fais une division. Tu calcules par rapport au nombre de radios. Et voilà, chacun a sa plage. Je veux dire... Pas de jaloux. Non, mais je veux dire une chose. Attends, je veux te dire une chose, qu'il y a plusieurs fréquences. J'ai pas toutes les fréquences en tête, mais il y en a pas mal. Hein. Regarde, comment ça se fait que sur Paris, par exemple, tu captes Fun sur 101.9 seulement, alors que tu captes Sky de 95.2 jusqu'à 97.5, tu captes Sky. Comment ça se fait qu'ils ont une plage plus large? Non, mais attends, parce que là, il faut bien se dire une chose, hein, parce que Fun Radio a un émetteur, c'est vrai que, comme j'ai fait allusion tout à l'heure à la Belgique, et, ils ont un décalage ouais, d'une journée. Hein, c'est vrai que dans certains pays, on peut pas capter Fun comme on veut. Oui, mais pourquoi ça? Une parabole. Non, mais année de retard. Une parabole. Non, mais ça, il y a pas besoin de parabole. C'est question de satellite, c'est tout. GG, regarde. Pourquoi? Tu sais qu'en Afghanistan, il y a encore Arthur. Hein. Ta gueule, toi. Gérard, sur IRC, il y a Davy One. Il aimerait bien que tu donnes toutes les fréquences de Fun Radio ville par ville. Ouais, bah alors là. Mange-toi, Nadine. Mange-toi. Gérard, à chaque fois qu'il y a un auditeur qui passe, tu notes la fréquence. Donc t'aurais pu. Bouvieux sur 1.1 FM. Et dans ta région de merde, ils captent Fun. Surtout qu'ils sont même pas capables d'appeler, c'est des connards dans ta région à 3. Respect. Y a aucun Troyen qui est capable d'appeler Fun Radio. Ils t'attendent devant, là. Ils sont devant. Hein? T'as raison, toi. Espèce de trablot, va. Tabata. Oui, alors pour avoir une fréquence, en fait, c'est à partir de 89, un truc comme ça, jusqu'à 108. Un peu plus, même, je dirais. Ouais, je dirais même 110. Non, parce que là, toi, t'es sur 94.5, et l'auditeur d'avant, il y a un auditeur, je suis même plus sûr. Ah non, c'est 115, c'est une soustraction. Non, mais il y a plusieurs fréquences, et ça, je pourrais confirmer toutes les fréquences, ouais. Si je pouvais. Gérard, sur IRC, il y a Père Fouras, qui est troyen, qui a pas du tout aimé ce que tu viens de dire, et il va venir te casser les dents qui te restent. Merci. Ça, c'est rapide, on n'aura pas beaucoup de boulot. C'est pas grave. Toi, tu fermes ta gueule, toi. D'accord. Qui c'est qui reste? Ginny, pour finir. Ben, pour les fréquences, t'appuies sur le bouton, tu vois. Puis maintenant, il recherche automatiquement. Ouais, c'est pour finir. Mais t'as que 9 questions. C'est la 10e. C'est sans bouillir. C'est la 10e. T'appuies sur le bouton, ça gicle. Hein. Non, mais ça dépend sur quelle fréquence que vous voulez, sur quelle radio vous voulez vous mettre. Hein. Ça dépend de l'heure aussi, ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure et ta connerie, toi. Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Pour en manger du bâton de berger. Oui. Ouais, c'est ça. Tabata. Je crois que celle-là, elle est vraiment calée. Tu peux foutre, mon pépé. Absolument pas. Bon, conclusion du débat. Ah, oh non. Le fuck. Bah attends, GG, il reste encore 10 minutes, là, on continue. Non, c'est terminé. Il reste même pas 10 minutes. Il reste. C'est pas ça. Bah, tourne la tête, tu vas voir. Il est quelle heure, là, pendule? Il est 51. Voilà, non. Vas-y. Non, regarde, t'as pendu la déconne. Le fuck. Oh là là, GG, c'est pas bien de finir plus tôt le débat. Merci. Ça s'est bien passé. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Ouais. Donc, je dis que tu vas nous trouver une petite question dans ta cervelle, là, vite. Surtout qu'il y en avait 11 des questions, Gérard. Il en manque une. Non. Si, je l'ai vu par-dessus ton épaule sur le papier, il en manque une. Non, il y en a plus. Il y en a une que t'as pas fait, là. Non, elles sont toutes faites, les questions. Et si, vas-y, file-leur, montre-lui, là, celle-là. Là. Non, elles sont toutes faites, les questions. Donc, la conclusion. Ah, on va trouver une question, là. Non, je te dis, si vous avez des questions. Alors voilà, moi, Gégé, je voudrais savoir pourquoi, maintenant que c'est une seule maison, Fun, RTL, RTL2, ouais. Pourquoi les trois, elles mettraient pas leur fréquence juste côte à côte pour être plus fort? Parce que c'est très bien qu'à 3 contre 1, on est toujours plus fort. Mais de toute manière, qui sait que parce que on n'a toujours pas eu les sondages par rapport à la presse, donc j'aurais bien voulu savoir si oui. Il y a un auditeur qui demande si c'est possible d'écouter la radio à la télé, en fait. Alors là, je vais te dire une chose, faut vraiment. On m'a demandé si on pouvait l'écouter par CB. Ça, par la CB, c'est faisable en mettant ton mic devant les haut-parleurs. Ouais, et à la télé, genre. Et moi, j'ai sur le Minitel, j'ai mon. Toi, pour l'instant, tu fermes ta gueule avec ton cousin, tu fermes ta gueule, d'accord? Non, c'est ma cousine. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Elle va se faire sauter par toi, ok? Elle a le sondage d'RTL2, ça t'intéresse ou pas? Ouais, donc est-ce que c'est possible d'écouter la radio à la télé? Faut avoir du bon matériel. Faut du matos, hein. Putain. Non, pour pouvoir écouter la radio à la télé. Quoi comme matos, alors? Ben, y a certains trucs. Toi, tu dégages parce que tout à l'heure, je vais t'éclater. Tu dégages. J'ai rien fait. Tu dégages de là. T'approches pas de Gérard. Tu dégages. Ben, je suis assis. Allô? Ouais. Vas-y, Mawashigiri, vas-y. Bon, Gérard, t'écoutes un peu ce qu'on te dit. Tabata, conclusion. Ouais, bah écoute, c'était un débat intéressant. Je suis déçue d'être arrivée qu'à la fin. Mais... Ah non, on continue. Non, de toute manière, c'est fini. Si, c'est pas dit, Gérard, continue. Une question. Je suis sûre que t'as une question encore. Okay. Non, il n'y a plus de questions. Ouais. Mais si, bien sûr. Si, j'en ai. De quoi? Alors, vas-y. T'as déjà fait du cybersex? Quoi? Non, rien. Ouais, d'accord. Je crois que ta question, elle a ni queue ni tête comme toi. Ah ben, moi, ouais, j'ai pas de... Ginny Gérard, est-ce qu'il est... Gérard, est-ce que tu des radios pour les enfants? Parlez pas tout en même temps. Tabata, tu t'écrases. Moi, j'ai rien dit, là. Ginny. Ben, le débat était pas mal, mais comme d'habitude, il manquait quelques questions, Gérard. Approfondir. Ouais. Bah ouais, mais je pense que le débat sur la radio, on l'a assez approfondi. Ouais, c'est le phoque. Peut-on le phoque, s'il te plaît, mon ami. Mon petit cochon. Viens, mon petit cochon. Gérard, c'est le phoque. Oui. Je peux faire ma conclusion? Je crois que tu l'as déjà fait, mais avant. Non. J'ai posé une question tout à l'heure, c'est pour ça. Non, c'est peut-on. Quoi? Qui c'est qui a écrit ça, ça? Vas-y. Peut-on écouter la radio à la mer ou à la montagne ou autre? À la mer, à la montagne, oui. Parce qu'avec un baladeur, tu peux très bien écouter la radio à la plage. Mais le sel, ça l'abîme. Hein. Avec un baladeur, tu ne l'abîmes pas, espèce de con. Gérard, vite fait, il y a Kleenex sur IRC, il dit à Sandy qu'elle arrête de l'appeler. Alors Kleenex, il va se faire foutre parce que Sandy, depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à la voir. Bah, donc apparemment, c'est parce qu'elle n'arrête pas d'appeler Kleenex. Non, elle connaît pas. Alors sur l'IRC, arrêtez de. Par contre, je reprécise encore ce que j'ai dit hier. Arrêtez de me dire que c'est soit Rigaud ou Manu ou Pildar ou Max ou Apolline qui vous donne mon numéro parce que c'est faux. Vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Alors moi je vais vous dire une chose, que maintenant celui qui m'appelle, son numéro est retransmis directement au commissariat de police. Ouais. Maintenant je ne peux plus me faire chier avec des petits cons. Hein? Balance tout le monde à la bad. Ouais, ben moi je t'emmerde, ok. Alors en de bon entendeur, salut. Ouais, Non, ça y est, c'est terminé. Ouais. Allô, conclusion, Anna, c'est terminé. Ouais, allô, Gérard. Conclusion, mon GG. Donc Gérard, pour moi, j'ai quelques conclusions de l'IRC quand même avant que tu donnes ta conclusion. Je pense que c'est. Gérard, ferme ta gueule. Bon, et hop, tu me les vires tous là maintenant, comme ça je serai tranquille. Il y a Davy One, il dit que comme il habite en Belgique, il donnera sa conclusion demain soir à cause du décalage. Ah, il a bien fait, il a raison. De toute manière, demain soir, il n'y a pas de libre antenne. Non, mais tu viendras toi exprès. Tu te mets le doigt dans le cul, toi. Pauvre con. Allez. Gérard. Pommade. Il le fait, Gérard. Il y a la conclusion de Turpentier. Ouais, que le débat n'avait ni queue ni tête comme moi, donc j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai rien à dire à ma place. Il y a un gros Saint-Pierre qui tousse. Et on était combien pour finir? On a fini à 9980. 18. Merde. Bah ouais, mais c'est pas grave. Donc, conclusion du débat. Gérard, il y a ma soeur sur Minitel qui dit putain, c'est con à deux près. Bah ta soeur, tu iras lui les caresser, oui, bien sûr. Ouais. Les fesses, bien sûr. Donc, conclusion du débat. La radio. Non, ça y est, c'est terminé. Conclusion. Pour moi, la conclusion, c'est que. Gérard. Ta gueule. Est-ce que je peux faire ma conclusion? Bon, j'ai pas fait ma conclusion, moi non plus. Terminé, c'est fini. Gérard, j'ai pas fait ma conclusion. Tu finis ton travail, sinon t'auras pas tous tes tickets resto. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de conclusion par les auditeurs. Ça y est, c'est terminé. Je voulais dire à mes potes de fun que je les kiffe. Voilà. À mon pote Goldo de fun et à mon pote Armette de fun et à mon pote Tony de fun. Alors moi, c'était pas... Ouais, c'est ça. C'est bien que t'aies fait un débat sur la radio parce que t'es quand même un bras cassé, il faut le dire. Et moi, je t'emmerde. Je voulais dire qu'il y a quand même des keufs qui cherchent pour délit de sale gueule sur la bande FM. Donc, si je te donne un conseil, vas-y, planque-toi, trace. Ouais, bah moi, je t'emmerde. Ok, alors en deux bon entendeurs, salut. Tu peux te cacher chez moi dans le 9-4 à la cave, si tu veux. C'est bien, bah, va te faire foutre.